Moi j'habite à Thiers et. Où je suis, ça passe. J'ai pas pris la fibre, ça sert à rien, c'est pareil. J'attends. Déménager, ouais. Ah, tu vas pas déménager, je pense que la route était bien. Pas déménager, j'ai acheté une maison. J'aime bien ma maison. J'aime bien la savoir toute notre vie. On va arrêter. Bonsoir Paris! Je vais voir, je regarde s'il y a d'autres personnes sur les salons un peu là. Ah bah il y a Phil sur le 2052. Alors je sais pas si. Il y a Phil, tiens, 2052. RP, elle est gentille. Alex. Ah bah il y a Jules, alors je risque pas. Pas d'aller au 2050 parce que je vais me faire éjecter direct. J'ai envie d'aller au 2050, mais j'y vais pas parce que je veux pas t'emmerder. Et après, Dima, je sais pas qui c'est, Alexis. Tu connais toi Dima, Alexis, Perdom. C'est un italien, Perdom. Mais c'est des conneries ces drapeaux, non? Parce que je vois que vous changez vos drapeaux des fois là. Moi j'ai toujours le drapeau français, moi. Alors, Phil, c'est quoi? C'est un drapeau français ça? À lire, putain, cet écran là. VPN. Comment tu changes ton drapeau, toi? Donc, fausse destination. Ah. Bah là, tout de suite, t'as un drapeau français et t'es en France. Et moi aussi, je suis en France. Fausse. Phil, il est en France aussi. RP, c'est où ça? C'est l'Indonésie, ça, non? Et si tu changes? Si je change? Ok, je reste là.